Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génésot. Seconde semaine, second jour. La première contemplation du second jour sera la présentation au temple, voir les mystères, la seconde, la fuite en Égypte comme en un lieu d'exil, voir les mystères. On fera sur ces deux contemplations de répétition et l'application des sens, de la même manière que le jour précédent. Quoique celui qui fait les exercices ne manque ni de force corporelle ni de disposition spirituelle, il lui sera quelquefois utile, pour trouver plus efficacement ce qu'il désire, de diminuer le nombre des exercices depuis ce second jour jusqu'au quatrième inclusivement. Il pourra donc ne faire qu'une contemplation le matin et une autre à l'heure de la messe. Il les répétera à l'heure des vêpres, et appliquera les sens avant le souper. Note. Depuis ce second jour jusqu'au quatrième inclusivement. C'est donc ici que Saint Ignace permet ou conseille de ne faire que quatre exercices. Cette concession ne s'étend, comme on le voit, qu'à trois jours, elle n'est utile que quelques fois, et il y a cinq exercices assignés pour ceux à qui elle ne le serait pas. Il ne faut donc pas la généraliser, moins encore l'étendre à toute cette semaine et aux suivantes, comme le fait, après Frusius, l'abbé Clément. Mais pourquoi l'auteur des exercices permet ou conseille-t-il cet adoucissement pendant ces trois jours plutôt qu'en un autre temps? Afin sans doute que l'esprit moins fatigué entreprenne avec plus de courage l'importante affaire de l'élection, qui commence le cinquième jour de cette semaine, c'est-à-dire immédiatement après les trois jours dont nous parlons. Fin de la note. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et LivreMystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.